Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM pour une nouvelle émission du Nid de Pie. Merci d'être toujours à l'écoute. Dans la chronique, je vous présente les savoir-faire d'un bricoleur hors pair. Capable de fabriquer et d'utiliser des outils, le corbeau calédonien va vous impressionner par sa dextérité. Dans l'interview, j'ai la chance de recevoir Carole Fritz, archéologue, spécialiste de l'art préhistorique, directrice de recherche au CNRS et directrice du Centre de recherche et d'études pour l'art préhistorique Émile Carteillac, CREAP, à la Maison des sciences de l'homme et de la société de Toulouse. Elle est aussi rattachée à l'UMR Trace 5608. Elle dirige l'équipe de recherche d'un lieu d'exception, la grotte Chauvet-Pont d'Arc, et tente de percer les mystères de ses peintures animales ancestrales. Bonjour Carole, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Sous la canopée de la forêt tropicale humide de Nouvelle-Calédonie vit un oiseau à nul autre pareil. Endémique des îles de Grande Terre et Marais, notre volatile n'a pourtant rien des attraits flamboyants habituels des oiseaux tropicaux. Et pour cause, il s'agit d'un corbeau. Mais pas n'importe lequel, le corbeau calédonien Corvus moneduloides. En 1996, le chercheur Gavin Hunt publie ses premières observations dans le journal Nature. Il y décrit le comportement de ces corbeaux dans leur milieu naturel, qu'il a vu fabriquer et utiliser des outils. C'est un chambardement monumental dans la communauté scientifique. Alors oui, Jane Goodall et ses chimpanzés avaient déjà bousculé nos croyances. On pensait alors que seul l'être humain pouvait utiliser les outils. Mais tout de même, un oiseau ! Comme le dit si bien la reine Guenièvre dans le Camelot d'Alexandre Astier... Mais ils ont pas de bras, les oiseaux ! C'est affreux ! J'ai toujours l'impression qu'ils vont culbuter vers l'avant, ça n'a aucun sens ! Et oui, même sans ça, nos corbeaux jonglent avec les savoir-faire. Car ils ne se contentent pas de prendre n'importe quel bout de branche ou de caillou. Non, non. Ils choisissent leurs matériaux avec l'œil exigeant des meilleurs constructeurs. Mieux, ils sculptent avec précision et réalisent un vrai travail d'orfèvre. On leur connaît deux types d'outils principaux. Les premiers sont découpés finement dans les feuilles du pandanus. En suivant une routine bien précise, l'oiseau incise les feuilles puis tire à plusieurs reprises pour créer des languettes allongées en forme d'escalier munies de trois marches. Le bout le plus large de la languette est parfait pour être manipulé et tenu fermement du bout du bec, alors que la pointe, fine, est idéale pour chercher des insectes avec précision sous l'écorce d'un arbre. Les larves, titillées par cet objet piquant, se défendent en mordant dedans avec leurs mandibules. Sitôt hameçonnées, elles sont remontées par l'oiseau qui n'a plus qu'à en faire une bouchée. Le deuxième type d'outil est fabriqué à partir de fines branches que l'oiseau arrange à sa façon, comme un élagueur zélé. Débarrassées de leurs feuilles et de leurs brindilles, ces petites branches sont coupées au milieu de la partie centrale pour ne conserver que le point de jonction de la tige, qui forme alors un crochet. Le corbeau l'utilise alors de la même façon que les languettes pour pêcher les larves hors de leur cachette. Cette dextérité incroyable avec les outils est possible grâce à quelques adaptations que l'on ne trouve chez aucun autre corvidé. Notre oiseau possède la meilleure vision binoculaire de sa famille et un bec court et droit qui lui permet de manipuler les objets avec sûreté. Cette vision particulière lui confère une précision incroyable pour regarder droit devant lui, estimer les profondeurs et guetter les larves alors qu'il fouille les troncs creux. C'est la découverte faite par Jolyon Trochenko et ses collaborateurs dans le journal Nature en 2012. Mais pourquoi les corbeaux calédoniens ne sont-ils pas imités par leurs cousins européens, qui pourraient utiliser les outils eux aussi ? Eh bien, sans doute parce que ces derniers n'en ont pas besoin. On pense en effet que les corbeaux calédoniens sont devenus experts dans le maniement du bâton, car la place était libre. En effet, il n'y a pas de pic en Nouvelle-Calédonie. Ni pivert, ni woody woodpecker d'aucune sorte pour boulotter les larves sous l'écorce. À eux donc d'innover pour profiter de ce banquet. Mais sait-on si le corbeau réfléchit à ce qu'il fait quand il fabrique son outil ? Ou bien est-il génétiquement programmé pour se créer de tels accessoires sans en comprendre toutes les nuances ? Les premiers éléments de réponse nous sont donnés par Betty, une femelle corbeau qui vivait en captivité au département de zoologie d'Oxford. Imaginez la scène. Betty a face à elle des petits morceaux de métal tout droits. On lui présente un problème à résoudre. Dans un tube suffisamment profond pour qu'elle ne puisse pas y accéder directement avec son bec, se trouve un petit seau rempli de nourriture très appétissante. Sous l'œil médusé des scientifiques, et sans qu'elle n'ait jamais été entraînée à cette tâche, Betty s'empare d'une tige métallique, essaye de récupérer le seau en insérant son outil dans le tube et en le ressortant à plusieurs reprises. Sans succès. Elle se ravise et se met alors à tordre la tige métallique pour y donner la forme d'un crochet. Ainsi, en quelques instants, elle récupère son butin, galvanise l'équipe de recherche d'Alex Ware qui publie ses observations en 2002 dans le journal Science, avant de bouleverser la recherche scientifique tout entière. Des observations plus récentes, publiées dans The Royal Society Open Science en 2016 par l'équipe de James Sinclair, tempèrent un peu l'enthousiasme général. Des corbeaux calédoniens sauvages ont bel et bien été observés en train de tordre des brindilles pour leur donner la forme voulue. Betty n'a donc peut-être pas innové, inventé une nouvelle solution inédite, si ce comportement existait déjà dans sa propre boîte à outils. Mais bon, quand même, ça en jette. Chez l'être humain, la fabrication et l'utilisation d'outils est culturelle. Elle est transmise entre individus d'une même communauté. Mais chaque groupe social a ses préférences et ses spécialités. Il n'y a qu'à voir la diversité des couteaux, lances, arcs et autres marteaux selon les pays et les époques. Mais qu'en est-il pour nos corbeaux ? Une étude publiée en 2003 par Gavin Hunt et ses collaborateurs dans le journal Proceedings of the Royal Society B a révélé que l'on trouvait des types de languettes différents selon la zone de l'île choisie. Les scientifiques ont étudié la forme de plus de 5550 outils issus de 21 sites différents. Ils ont alors observé trois types d'outils découpés dans les feuilles du pandanus. Les languettes en escalier avec trois marches, mais aussi des languettes toutes droites, soit minces, soit larges. Toutes sont confectionnées selon la même technique, ce qui laisse penser que les oiseaux ont amélioré le design d'origine tout droit pour arriver au meilleur outil possible en escalier, qui est aujourd'hui le plus répandu. On parle d'évolution cumulative. D'un objet simple, on le complexifie et on le perfectionne. Dans la transmission culturelle apparaît souvent la notion d'apprentissage social. Les individus apprennent les uns des autres un savoir-faire particulier, comme cuisiner ces fameuses lasagnes de potiron dont la recette reste secrète en dehors du cercle familial. La transmission se fait en observant, en imitant. Mais comment nos corbeaux deviennent-ils des bricoleurs hors pair ? Il semblerait bien que leur vie en société joue un rôle prédominant dans l'affaire. Il faut savoir que les corbeaux calédoniens la jouent collectif. Ils vivent longtemps et les adultes forment des couples fidèles pour toute la vie. Les parents restent ensemble toute l'année et leurs petits jouent parfois les prolongations et peuvent rester à leur côté jusqu'à 2 ans après leur naissance. Mais ce n'est pas par flemme, bien au contraire. En restant aux côtés de leurs aînés, les jeunes oiseaux apprennent à maîtriser l'outil. Ils s'entraînent. Même s'ils savent rapidement et spontanément jouer et utiliser des brindilles, il leur faut 2 ans pour être capables de découper des languettes de pandanus aussi efficaces que celles de leurs parents. La maîtrise de l'outil serait donc un subtil mélange d'inné et d'acquis chez nos corbeaux. Ce sont en tout cas les conclusions avancées par Jennifer Holsider et son équipe qu'elle publie dans Learning and Behavior en 2010. Vous pensez que l'on a fait le tour ? Que le corbeau calédonien ne pourra pas vous éblouir davantage ? Détrompez-vous. Les travaux récents de la chercheuse Barbara Klump, publiés en 2015 dans le journal Proceedings of the Royal Society B, vont plus loin. Outre confectionner, modifier et ajuster les objets les plus adaptés, nos volatiles sont capables de garder leurs meilleurs outils pour plus tard. Et oui, alors qu'ils farfouillent et chassent les insectes en haut des arbres à plusieurs mètres du sol, ils peuvent les maintenir avec habileté, sous une patte, ou les déposer en sûreté dans un trou. Une étude de 2021, publiée par la même équipe dans le journal eLife, a même démontré que les oiseaux prenaient davantage soin des outils les plus efficaces et les plus coûteux à produire. Ils sont donc capables de donner une valeur à leurs objets. Tout comme vous, quand vous reposez cette fourchette qui n'a plus que 2 dents, mais que vous gardez quand même parmi vos couverts depuis 3 ans. Habile bricoleur, façonneur inventif et travailleur prévoyant, le corbeau calédonien ne cesse de nous éblouir de ses incroyables capacités et pourrait, sans souci, candidater au titre de meilleur ouvrier. Comme quoi, même s'il n'a pas de bras, il gagne quand même le chocolat. Et nous revoici avec notre invitée Carole Fritz, archéologue, spécialiste de l'art préhistorique, directrice de recherche au CNRS et rattachée à l'UMR Trace 5608. Elle est également directrice du Centre de recherche et d'études pour l'art préhistorique Émile Carteillac, le CREAP, à la Maison des sciences de l'homme et de la société de Toulouse. Sa mission, percer les secrets d'une des plus belles grottes du monde, la grotte Chauvet-Pont d'Arc. Alors, cette fameuse grotte, elle a aussi une histoire un peu particulière, redécouverte en 1994 un peu par accident par trois spéologues amateurs, Eliette Brunel, Christian Hiller et Jean-Marie Chauvet. Les images qui ont été découvertes ont depuis ébloui le monde, hein, on peut le dire. Elle est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et reste une des plus belles grottes ornées connues à ce jour. Comment est-ce que ça se fait que ces peintures extraordinaires soient si bien conservées ? Alors, c'est... comment dirais-je ? À chaque fois, on va dire que c'est un petit miracle. Mais que ce soit pour Chauvet ou pour n'importe quelle autre grotte, à Chauvet, ce qui a permis cette conservation exceptionnelle, parce que là, c'est exceptionnel, on a... Le porche s'est fermé définitivement aux alentours de moins 20 000 ans. Moins 20 000 ans. À partir de ce moment-là, il n'y a plus eu d'entrée humaine possible. Alors, des animaux, oui, mais pas humaines. Et ça a créé cette atmosphère très particulière qui a permis la protection des peintures et des sols. Ça a empêché le développement de bactéries. Et surtout, on n'a pas eu d'écoulement d'eau sur les parois importantes qui auraient pu effacer ces dessins. C'est pour ça que je dis souvent, c'est un petit miracle. Hein. Et à Chauvet, c'est sûr que ça a créé une atmosphère où la conservation des lieux, moi, j'avais jamais vu ça avant. Hein. C'est exceptionnel. On a l'impression par moment que si on se retourne, les Aurignaciens nous regardent, ils sont derrière nous. Tout est là, en place, magnifique. Il s'est passé des événements à suite dans la grotte, puisque au moment du réchauffement climatique, aux alentours de à la fin du paléolithique supérieur. Donc, on est entre moins 12, moins 10 000. La mise en place du climat que nous, on connaît aujourd'hui. Il y a eu des arrivées d'eau dans la grotte. C'est pour ça qu'on a des sols très calcités, orangés. Alors, ces sols-là, les paléolithiques ne les ont pas connus. Mais la chance, c'est que ça n'a pas lessivé les parois. Ça ne s'est pas écoulé sur les parois comme ça coule aujourd'hui encore des fois sur les sols. Oui, parce que du coup, à l'époque où ces peintures étaient créées, le climat était très différent. Il faisait beaucoup plus froid notamment, c'est ça ? Oui, on est en période glaciaire. Le grand dernier maximum glaciaire, c'est moins 20 000 ans. Alors, il y a des phases de réchauffement et de refroidissement. Mais au moment de Chauvet, on est plutôt sur une phase très froide. Ce qui explique aussi la faune qu'on a sur les parois, mammouth, rhinocéros laineux, c'est aussi la faune qui était aux alentours des humains qui vivaient dans ces contrées ardéchoises et ailleurs d'ailleurs. Donc on est sur un climat glaciaire qu'on connaît bien quand on travaille sur ces périodes-là. Et donc vous le disiez, il suffit de se retourner, on pense que les Aurignaciens nous regardent. Donc ma question suivante, c'est ça, est-ce qu'on sait un peu avec précision qui a peint ces fresques et quand est-ce qu'elles ont été peintes ? Alors, qui a peint ces fresques ? Il y a deux passages attestés humains dans la grotte. Un aux alentours, on va parler en date calendaire, ça sera plus simple. Le premier passage aux alentours de moins 36 000. Le deuxième passage, on est aux alentours de on est ce qu'on a dans moins 36 000, on est dans de l'Aurignacien. Après, on est entre moins 30, moins 29. On est plutôt là, ce qu'on appelle du Gravettien. Donc, c'est les deux grandes premières cultures du paléolithique supérieur. L'Aurignacien, c'est, on va dire, la première culture d'Homo sapiens. D'accord. Donc, en Europe de l'Ouest. Ce sont les mêmes humains que nous. Alors, c'est nous. C'est-à-dire, on sait maintenant que l'arrivée d'Homo sapiens en Europe de l'Ouest, on avait entre 40 et 45 000. Et là, on a des dates très récentes aux alentours de moins 55 000. D'accord. Donc, Homo sapiens arrive. Voilà. Il s'installe, on va dire. Il ne va pas tout de suite faire de l'art comme on l'a à Chauvet. Mais on va dire qu'aux alentours de moins 45, il y a quelque chose qui se passe. Culturellement, cognitivement, Sapiens a besoin de produire des dessins. On pense, en tous les cas, moi je suis partisane d'une mythologie et c'est ce qu'on a sur les parois. Et il faut savoir que les sociétés sans écriture, chasseurs, cueilleurs, collecteurs, les humains du paléolithique supérieur et Homo sapiens qui arrivent en Europe, ils ont besoin de communiquer des choses, d'organiser leur société. Et l'arrivée de l'image, c'est très important, puisque Sapiens va, on va dire, mettre en image ces mythes. Et ethnographiquement, anthropologiquement, on sait que les mythes dans ces sociétés sont très importants, puisque le mythe va organiser le fait social, organiser les relations entre les humains, puisque le mythe, ça va vous expliquer d'où vous venez, ce que vous devez faire quand vous êtes là. Ça paraît, je dis n'importe quoi, mais par exemple, vous ne pouvez pas aller épouser la voisine d'à côté parce qu'il y a tel mythe qui vous dit que ce n'est pas possible et qu'il faut aller en chercher une plus loin. Quoi. Voilà. La voisine ou le voisin, d'ailleurs. Et ça vous permet de vous projeter dans le futur. Donc, un mythe, ça construit le lien social et ça pose des interdits, ça vous dit ce que vous pouvez faire. Donc, c'est extrêmement important. Et moi, je pense de plus en plus que ce sont des fragments de mythes qu'on a sur ces parois. Et ces peintures, parce que des fois, on a l'idée que ces gens vivaient dans les grottes, c'est faux. Ils venaient spécifiquement pour, sans doute, ces dessins, ces célébrations, c'est ça ? Alors, c'est plus compliqué. D'accord. Ils ne vivaient pas vraiment, mais ils venaient, ils séjournaient pour faire des dessins et pour certainement y faire des rituels. Voilà. Mais ils n'y vivaient pas à l'année. Ils n'y vivaient pas à l'année. Alors, il y a des grottes dans les Pyrénées où ils vivaient à l'année, d'accord, en fait. Notamment la Grande d'Orlaine, qui est une grotte où on est à 150 mètres de l'entrée. Il y a un site d'habitat en grotte profonde, très très important. Là, on est dans du magdalénien, c'est-à-dire aux alentours de, on va dire, moins 14 000 ans. Mais on a des grottes où on a des dessins et on a des séjours d'habitat, on va dire. Le problème, c'est la définition de l'habitat. Voilà. C'est-à-dire, ils vont habiter dans certaines grottes profondes temporairement, le temps d'effectuer des choses en lien avec l'art pariétal. Voilà, ça c'est le tuc d'Audoubert, c'est la grotte de Fontanet, c'est il y avait ça à Nio aussi, il y avait voilà, on en trouve généralement quand on regarde un peu les grottes découvertes au début du XXe et qu'on relie un peu l'histoire de ces découvertes, on s'aperçoit qu'il y avait des sites d'habitat associés aux pratiques liées au dessin, bien sûr. Et donc on parle de ce dessin, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que c'est quand même très animalier. Quelles espèces animales on peut trouver sur les parois de cette grotte ? Alors, à Chauvet et dans tout l'art paléolithique, donc on va dire de moins 40 000 à moins 12 000, hein, c'est en termes de temporalité, c'est énorme. En termes de génération, nous, on a du mal à se projeter. C'est des échelles de temps difficiles à évaluer sur une vie humaine. Donc c'est... Si vous voulez, il y a plus de temps qui sépare Chauvet à moins 36 et Lascaux à moins 17 000 que Lascaux et nous. Vous voyez ? Donc c'est... Alors qu'on pourrait penser que voilà, c'est de l'art pariétal, c'est une même culture, une même époque, et pas du tout, en fait. Alors, oui et non. C'est ça qui est paradoxal. On a aujourd'hui des bases de données qui nous permettent de travailler sur plus de 10 000 figures pariétales. Et on s'aperçoit que dans ces 10 000 figures, on a toujours les mêmes choses, à peu près. Voilà. C'est-à-dire qu'on a toujours le cheval qui est l'élément majoritaire. Après le bison, les cervidés, le bouquetin et des animaux rares comme le mammouth, le lion, etc. Ça, c'est le corpus global de l'art paléolithique avec des animaux rares comme les oiseaux, comme les phoques dans la grotte Cosquer, par exemple, ou un serpent. Ça existe. Mais on a toujours ce fond global qui est toujours présent. Et on s'aperçoit de plus en plus, et Chauvet a bouleversé aussi nos paradigmes et la vision qu'on avait des grottes paléolithiques. Et bien, à Chauvet, on a toujours du cheval, du bison, du bouquetin, des cervidés, sauf que les animaux majoritaires, ce sont les animaux qui sont pour nous rares dans les cultures suivantes. Le félin, 72 félins, alors que généralement on compte en éléments 1 ou 2 dans une grotte, mais pas plus. Rhinocéros laineux, mammouth, sont les trois les espèces les plus présentes dans la cavité. Mais après, vous trouvez toujours du cheval, du bison. Il y a toujours les classiques, mais voilà. Et dans ce cortège, on va dire, animalier, la figure humaine, la figure humaine, elle est très peu représentée, puisque ça représente, c'est à peu près, on va dire, allez, je vais être large, 6% de la totalité du bestiaire sur plus de 30 000 ans, ce qui est rien. Ça veut dire que, quelque part, les humains du paléolithique supérieur, ils vont pas se projeter au travers de leur propre image, mais au travers de ce que Descola appelle un aliud, c'est-à-dire quelque chose qui est l'image animale. Et surtout, quand on regarde l'image humaine au paléolithique, elle est majoritairement mixée entre, avec des éléments animaux et des éléments humains. Quand elle est que humaine, elle est jamais réaliste. D'accord. Ou très peu. Il n'y a jamais de figure humaine, un personnage. Alors, il y en a trois ou quatre dans un site qui s'appelle La Marche, d'accord, sur des plaquettes, où on a des visages humains. C'est extrêmement rare. C'est le seul site, en fait. C'est l'exception qui confirme la règle, comme on en a toujours besoin. Voilà. Mais on est toujours dans ce lot-là, c'est-à-dire que l'image humaine... Alors, est-ce qu'il y a un interdit au travers de la production de sa propre image? Ou est-ce que... Et moi, je pense plutôt à ça... que l'individualité n'est pas la chose que l'on doit représenter, mais que l'humain n'est rien d'autre qu'un animal parmi les autres. C'est-à-dire que c'est une vision du monde qui est totalement différente de la nôtre et qui est totalement différente et qui change fondamentalement aux alentours de moins 10 000 quand on va commencer à avoir des groupes qui vont commencer à se sédentariser. Et avec l'arrivée du néolithique, et on va dire la richesse, il va falloir protéger ce que l'on produit, et l'homme va devenir au centre des problématiques. Au paléolithique, avant ça, c'est complètement différent. Il faut juste imaginer, quand vous sortez de votre tente ou quand vous sortez de votre grotte, majoritairement, ce n'est pas des humains que vous allez rencontrer, parce que la population, elle est très faible. Ce sont des animaux. Puis des animaux qui sont gigantesques. C'est vrai qu'un mammouth, un rhinocéros laineux, un être humain face à ça... Voilà, il faut imaginer les bisons. Hein. Les bisons, ils étaient extrêmement grands. Alors, un bison, on a l'image du bison d'Amérique. Là, c'est plutôt le bison d'Europe. Après, vous avez ces lions qui sont là, qui chassent comme les humains, en réalité. Hein. Il faut penser que l'humain n'est pas le plus fort dans la nature à cette époque-là. Il peut être également une proie. Oui, complètement. Et donc, vous le disiez, il y a toujours des animaux un peu rares sur certaines parois, des exceptions qui confirment la règle. À Chauvet, quelles sont ces représentations? Est-ce qu'il y a quelque chose d'unique à Chauvet qu'on ne trouve pas ailleurs? Alors oui, dans ce cortège général, chaque grotte a une spécificité. Alors, je ne peux pas entrer dans les détails là, mais quand on pense à Cosquer était plus loin de la mer qu'aujourd'hui, mais proche. On avait surtout des populations qui étaient liées peut-être à la mer, ce qui peut expliquer la présence des phoques, etc., ou des poissons et tout. Alors, à Cosquer, on a des animaux dits rares. On a deux bœufs musqués. Okay. Voilà, ça ils sont très caractéristiques. Je pensais pas qu'il y en avait si bas par rapport aux... Mais oui, c'est vrai. Période glaciaire, période glaciaire. Ils vont remonter après dans le nord de l'Europe, hein, puisqu'on les connaît encore aujourd'hui. On a un hibou, voilà. À Chauvet. Okay. Il est très très beau, magnifique. Il est gravé au doigt sur un calcaire un peu mou, donc il fait face au spectateur avec sa tête ronde, ses yeux ronds, et on voit bien les épaules, du moins l'épaulement des ailes, et puis le plumage. Voilà, ce sont des animaux, dits rares, puisque un oiseau et puis deux bœufs musqués, voilà. Mais ça, c'est surprenant, parce que c'est vrai que je me posais cette question. Il y a quand même plein d'animaux qui existaient, qu'ils côtoyaient à l'époque. Je pense par exemple aux sangliers ou je sais pas, aux blaireaux, aux renards. C'est des animaux qui existaient déjà et on ne les trouve quasiment jamais, alors qu'ils devaient être courants. Oui, alors c'est aussi pour ça qu'on est face à un choix culturel. C'est pour ça qu'on pense de plus en plus que c'est qu'on a affaire à des mythes, puisqu'en fait on a un bestiaire graphique qui est choisi et qui va être très stable. Et on peut imaginer également, et ça, Lévi-Strauss l'a expliqué, on a certainement pour l'art un contrôle social dans la production des images. Et Lévi-Strauss explique que quand on n'a pas de contrôle social, si chacun peut aller faire son image, on va avoir une dérive du message que porte l'image, puisque l'image va se transformer au fur et à mesure. Plus il y a de personnes qui dessinent, plus il y a de transformations. Or, on n'a pas ça au paléolithique supérieur. Et on peut penser que, justement, ce message, il est extrêmement contrôlé. Et, en gros, il n'y a pas d'innovation au sens où on pourrait l'imaginer. Tiens, aujourd'hui, bah, je vais faire un blaireau. Mmh. Ah, il est chouette ton blaireau, je te le prends et je vais faire le même dans ma grotte à côté. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est beaucoup plus structuré. Il ne faut pas oublier aussi que nos sociétés aujourd'hui, c'est toujours beaucoup de changements, aller très vite. Les sociétés dites traditionnelles, chasseurs, cueilleurs, collecteurs, nomades, eux, c'est ce qu'il faut, c'est la stabilité. Mm. C'est-à-dire, au contraire, il faut que rien ne change. Et au travers de ces mythes et au travers de ces animaux, rien ne change. C'est ce qui fait le fait social et on va le faire perdurer jusqu'à ben, la fin de la culture, telle qu'on peut l'imaginer au moment de la fin de la grande glaciation. Pour conserver cette unité graphique, je comprends. Une question qui était un peu difficile, mais qui m'intriguait quand même, parce que bon, vous travaillez à la grotte Chauvet depuis les premières expéditions archéologiques, donc c'était 98. Ouais. Je me demandais s'il y en avait une qui vous touchait particulièrement. Je sais que c'est compliqué, parce que des dessins, il y en a quand même quelques-uns, mais est-ce qu'il y en a un qui vous touche particulièrement, qui ressort, si on vous demande, s'il y en a un qui est, que vous préférez? Alors, en fait... Oui et non, oui, bien sûr. Oui et non, mais bien sûr, il y a les grands panneaux. Ça, on peut pas. En tous les cas, moi, je peux pas rester insensible à ça. Mais dans le secteur des chevaux, avec le panneau des chevaux, il y a une alcôve qu'on appelle l'alcôve des lions. Donc, c'est en continuité. Hein, c'est un petit endroit très resserré. Et on a des représentations de lions. Un lion femelle et un lion mâle. Et sur ce grand lion mâle, il y a des manques dans la ligne de dos et dans la ligne de ventre pour faire passer des têtes de chevaux. D'accord. Et dans ces têtes de chevaux, il y en a trois. Il y en a deux grands plus un tout petit qui sont, à un certain endroit, on les voit vraiment alignés. Et ça, cette construction-là de ces trois têtes de chevaux alignées, elles m'ont toujours interpellée. J'arrête pas de les photographier parce que je les adore. Évidemment, c'est pas très grand public, on va dire. C'est pas celle qu'on l'on montre. Mais moi, je les trouve absolument magnifiques. Et puis, il y a une construction. C'est vrai que c'était une de mes questions également. J'ai lu dans plusieurs ouvrages sur Chauvet où on parle de séquences narratives dans certains dessins. Un peu comme si, je sais pas si on peut comparer qu'une bande dessinée, mais comme quoi il y aurait des mises en scène. Et c'est vrai que là, cette histoire de chevaux qui sortent du lion, est-ce que c'est ça ce que vous entendez par séquence narrative? Alors, je vous parle de mythe depuis tout à l'heure. Oui. Le mythe, c'est le récit. Donc, oui, c'est la narration. Après, le comparer avec une bande dessinée, moi j'ai beaucoup de mal. Mais, c'est pas le même propos. Non, mais je sais, Marc Azéma qui a travaillé avec nous, lui, il est réalisateur de documentaires aussi, en plus d'être préhistorien, il aime beaucoup la BD, donc il est allé dans ce sens-là, dans son travail de thèse. Que ça soit des récits, moi j'y pense de plus en plus et je le crois de plus en plus. Et pour dire ça, c'est pas simplement la perception de la forme que l'on a ou la perception du panneau avec les images. C'est aussi, on le perçoit dans la construction même de chaque image, puisque quand on étudie ces panneaux, on étudie la forme graphique et sa construction. Et quand on notamment le panneau des chevaux ou d'autres panneaux, on essaie de déconstruire chaque image, les unes par rapport aux autres, pour essayer de revenir à la paroi vierge et comprendre comment chaque dessin a été élaboré dans son ensemble et par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle, on décompose en fait ces images, ces gestes, et on essaie de comprendre la composition. Or, on s'aperçoit que ce ne sont pas de simples accumulations. C'est fait dans un temps relativement court, associé, et on le voit avec ce qu'on appelle des alternances gestuelles, c'est-à-dire qu'on a un trait qui est fait, par exemple, je dis n'importe quoi, sur une patte, et puis on s'aperçoit que la deuxième patte de l'animal, elle passe sur le trait. Ça veut dire qu'on a une patte dessinée, le dos d'un autre animal, et la patte du premier animal qui repasse dessus. Ça, c'est forcément pensé et réalisé dans des mêmes séquences. Oui, ça c'est peut pas pensé être, ensemble. Ça ne peut pas être deux auteurs différents à 50 ans de différence. Voilà, c'est impossible. Et donc, le fait que l'on démontre qu'on est déjà face à des compositions, ça nous permet d'aller plus loin dans l'interprétation et se dire, les compositions sont des supports de récit. Et on peut d'autant plus le dire que l'on sait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'art paléolithique a un bestiaire choisi. Et que quand on a un bestiaire choisi, ça veut dire que derrière, on a un message qui passe. On nous raconte quelque chose. Et puis il y a sans doute une réflexion qui s'est faite, un choix qui s'est opéré. Les dessinateurs, dessinatrices, on ne peut pas être là parce qu'on ne peut pas les entendre, savoir comment ils communiquaient entre eux. Mais ils sont sans doute mis d'accord à un moment donné pour savoir quoi représenter. Alors c'est ça, c'est pour ça que Chauvet est importante. Chauvet, puis les sites allemands aussi, à peu près de la même époque, où on a des statuettes en ivoire, avec les mêmes animaux qu'on a dans la Grande Chauvet, ou le Steinstadel, ou le Vogeler en Allemagne. C'est ça qui est important, c'est que Chauvet, on est, je dis souvent, aux racines de la pensée des paléolithiques, de la pensée symbolique construite des paléolithiques. Et Chauvet a profondément changé, en tous les cas, ma vision, notre vision des choses, parce que c'est là qu'on s'est rendu compte qu'à moins 36 000 ans, le système graphique et les messages qu'il comporte, les récits qu'il comporte, tout est déjà construit. Ça veut dire qu'on aura certainement d'autres sites plus anciens que Chauvet. Alors, ce n'est pas une évolution linéaire. On n'a pas une enfance de l'art et tout d'un coup, quelque chose d'exceptionnel. Ça arrive à un moment donné, ça arrive parce que le pourquoi, il est certainement multifactoriel. Une maturité cognitive chez Sapiens, une maturité sociétale, une complexification de la société. Et surtout, quand on a ce type de complexité graphique, ça veut dire que derrière, on a un langage extrêmement élaboré. Puisque l'image est indissociable du discours, du récit. Ah, donc il a forcément fallu se mettre d'accord. Et... Ouais. Il a fallu que ça se construise. Et ça se construit, et surtout que ça perdure et que ça se transmette. Et la transmission de tout ça, on peut... Là, on est complètement dans le brouillard total. Certains de mes collègues diront que je vais très loin dans l'interprétation. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin dans l'interprétation plutôt que de décrire. On doit décrire, mais on doit aussi essayer de comprendre le pourquoi de ces dessins. Aller plus loin. On vous laisse swinguer et profiter d'une courte pause musicale. Ne bougez pas. On revient tout de suite sur Campus. Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti. E de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Corro, fujo desta sombra. Em sonho vejo este passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar. Nem sei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Você se foi. Quantas saudades eu senti. E de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto. Você gostava tanto de você. Eu corro, fujo desta sombra. Em sonho vejo este passado. E na parede do meu meu quarto, ainda está o seu retrato. Quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista o pensamento em você. C'était Gustava Tento de Você de Tim Maya. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission du Nid de Pie. Et nous revoici avec notre invitée Carole Fritz, archéologue, spécialiste de l'art préhistorique, directrice de recherche au CNRS et rattachée à l'UMR TRAS 5608. Elle est également directrice du Centre de recherche et d'études pour l'art préhistorique Émile Carteillac, le CREAP, à la Maison des sciences de l'homme et de la société de Toulouse. Elle nous présente les merveilles de la grotte Chauvet-Pont d'Arc et ses mystères. Alors on l'a vu avant la pause, la grotte Chauvet-Pont d'Arc est connue dans le monde entier pour la finesse de ses dessins animaliers assez naturalistes. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas rentré tout à l'heure dans le détail, mais il y a des micro-pressions. Moi, je suis toujours surprise de voir les points des moustaches sur la tête des lions. Il y a un truc assez rigolo, je crois qu'il y a un cheval où on voit presque le souffle qui a été dessiné. Je trouve ça incroyable. Il ne faut pas oublier que ce sont des chasseurs-cueilleurs, chasseurs aussi. Donc les animaux, ils connaissaient bien leur ils les connaissent, ils savent les regarder. Et ils reproduisent ce qu'ils ont envie de reproduire. Et quand ils veulent faire du très réaliste, ils le font très très bien. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Ça veut dire qu'il y a vraiment une connaissance du comportement des animaux qu'ils chassent, qu'ils côtoient. Moi, j'aime bien dire que ce sont des éthologues. C'est complètement mais ça. Mais c'est exactement ça. Et du coup, c'est vrai que outre ces dessins, c'est vrai que je voulais voir un petit peu avec vous ce qu'on trouve d'autre à Chauvet, parce qu'il n'y a pas que des dessins sur les parois. Qu'est-ce qu'on peut y trouver d'autre ? Alors, la grotte Chauvet, elle est fabuleuse parce qu'elle renferme, en dehors des dessins, c'est ce qui est frappant, c'est pour les paléontologues, la présence de l'ours des cavernes, puisque la grotte Chauvet a servi de centre d'hibernation, si je puis dire, de cet ours des cavernes. Alors, l'ours des cavernes, c'est un monument, hein, parce qu'il peut atteindre 3,50 m, sur les pattes arrière, il peut être plus grand qu'un ours blanc. C'est vraiment une grosse bête, quoi. Vraiment une très grosse bête. Il y a à peu près 200 spécimens, je crois. Si mon collègue Philippe écoute, il va me dire « Mais non, tu t'es encore trompé !» Mais il y a des amas d'os à peu près partout, c'est hallucinant. Et il y a aussi ce qu'on appelle des bauges, c'est-à-dire que l'ours des cavernes, quand il vient hiberner, eh ben, il se fait des trous, des petits nids. Un petit nid, voilà. Un petit nid, mais un peu plus gros que celui d'une pie. à ses dimensions, voilà. Et donc, on a ses bauges, ses ossements et aussi les empreintes. Sur le sol. Okay. Dans l'argile, donc des mains, parce que pour les ours, on parle de mains et de pieds. D'accord. Donc, vous voyez le rapport avec l'homme aussi. Donc, on a des pistes d'ours qu'on peut suivre, des oursons aussi. Donc, les oursons qui étaient avec les mères, pas avec les ours mâles. Et tout ça dans la grotte. On a également des empreintes de canidés. Des empreintes de bouquetin très profonds aussi dans la grotte, donc un animal qui s'est perdu. Donc on a tous ces ossements qui sont là. Et ce qui est très important, c'est que Chauvet, c'est aujourd'hui la seule grotte où on a un lieu où il y a eu alternance entre l'homme et l'ours. Oui, parce que c'est ça, ils ne pouvaient pas se côtoyer. Il ne pouvait pas y avoir un ours qui hibernait dans un coin de la grotte et des humains à côté. Non, ça, ce n'était pas possible. Par contre, on sait que les ours sont venus en premier. les humains ont fait les dessins sur les parois et après les ours sont venus griffer les dessins. Et donc c'est la seule grotte où on a cette alternance dans le temps et dans l'espace en réalité. Et on est en train de justement essayer de comprendre cette alternance, quand elle s'est produite. Et ça nous sert aussi de chronologie relative pour essayer de dater les dessins quand on ne peut pas les dater. Oui, et du coup, grâce à ces alternances, c'est vrai qu'on peut avoir une meilleure vision de la succession des habitants de la grotte. Non, c'est passionnant. Et du coup, ces différents squelettes que l'on trouve, ce seraient des animaux qui sont morts dans leur sommeil, de vieillesse, ils n'ont pas été tués par l'être humain ? Non, pour le moment, on n'a pas de traces sur les eaux qu'on a de mort, oui, effectivement, de mort due à l'être humain. Ce sont des ours qui sont morts en hibernation. Par contre, on a des eaux déplacées par les aurignaciens ou les gravétiens quand ils sont venus dans la grotte. On en a quelques-uns. On a des eaux d'ours plantées dans le sol et le fameux crâne d'ours posé sur son rocher. Le rocher au milieu de la salle du crâne. Ça, c'est pas le crâne, il n'est pas venu tout seul. Mais dans cette salle, il y a aussi d'autres éléments du squelette de l'ours au sol. Donc là, Philippe Fausse, Jean-Baptiste Fourvel, que vous avez reçu, travaillent dessus et on va commencer justement à faire une analyse beaucoup plus approfondie de cette salle du crâne pour essayer de savoir en fait d'où vient le crâne qui a été mis sur le caillou, sachant qu'il ne vient pas directement de la salle du crâne. Donc nous on va rechercher ça et puis on va étudier justement le lien entre l'homme et l'ours dans la grotte. Ça doit être très impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a une mise en scène qui est restée intacte avec ce crâne posé, ces ossements, tels que les anciens habitants de la grotte l'ont voulu. Voilà, c'est exactement ça. Alors, il y a une mise en scène, on appelle ça, cette salle est un sous-tirage, c'est-à-dire que sous la grotte Chauvet, il y a certainement d'autres galeries qui aspirent, on va dire, certaines parties de la grotte. C'est pour ça qu'on a des grands trous, des grands sous-tirages, encore aujourd'hui. Donc la galerie, la salle du crâne descend doucement, ça fait des espèces de paliers, de gradins, on va dire, autour de cette salle. Et au centre, on a un rocher qui est tombé du plafond, en fait. Okay. Hein. Et puis, dessus, ils ont posé ce crâne d'ours. Au bord, en plus, donc il y a vraiment une très belle mise en scène. La difficulté aujourd'hui, c'est de savoir si on est dans un élément symbolique ou dans un élément ludique. Il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi des enfants qui allaient dans les grottes. Oui. Donc, ça va être très difficile à travailler, on va dire, à comprendre. Mais on va travailler toutes les hypothèses pour essayer d'aller le plus loin possible, justement, sur l'interprétation de ce crâne, sur ce bloc. Et donc, c'est une parfaite transition. C'est vrai que je voulais vous interroger un peu sur comment est-ce que vous travaillez dans ce lieu particulier, parce que on l'a dit, donc Chauvet a été préservé parce que voilà, son entrée était bouchée. Contrairement à Lascaux, qui a payé un peu le prix fort de l'exposition publique, elle n'a jamais été ouverte au public. Il y a une réplique qui a été créée pour les visiteurs, mais la grotte principale n'est pas ouverte. Donc j'imagine que pour vous, il y a plein de contraintes pour travailler dans ce lieu. Comment est-ce que ça se passe ? Alors oui, il y a énormément de contraintes, mais contrairement à Lascaux, qui est une petite grotte, Chauvet est une très très grande grotte. Un palais. Voilà, non, mais on est à peu près, il y a 300 mètres linéaires, à peu près. On a 500 mètres de circulation sur passerelle. Il y a des plafonds, je ne sais pas, moi ça atteint les 20 mètres. Okay. C'est une très grande grotte. C'est-à-dire que la conservation de Lascaux n'est pas totalement la même que la conservation de Chauvet par rapport au lieu, par rapport à ce que Chauvet, on va dire, pourrait supporter. Le problème de Lascaux, c'est que c'était une petite grotte et qu'il y a énormément de monde qui est rentré dedans. Passés, ouais. Voilà, c'est ça. Ce qui n'arrivera pas à Chauvet, puisque au début, il y avait 5 personnes par jour, 2 jours par semaine qui pouvaient visiter la grotte. D'accord. Ça, moi, c'était bien. Bon, après, avec des problèmes de CO2, du réchauffement climatique, on a beaucoup de CO2 dans la cavité, donc ces visites ont été interdites, bon, pas interdites, mais pour le moment, c'est fermé. Et ça, c'est une contrainte aussi pour nous. Et on le ça voit. Peut être dangereux pour vous, en fait, voilà, le taux de CO2 dans l'air. Le taux de CO2, oui, puisqu'en fait, quand on atteint 5 ou 6, c'est mortel. Donc il y a des arrêtés préfectoraux qui nous mettent à 2,5, 2,6. Donc au-delà de 2,6, on ne peut pas aller dans les salles où il y a beaucoup de CO2. Donc depuis plus de 10 ans, un peu plus de 10 ans, on voit les effets de ce réchauffement climatique, puisque le CO2 il est produit par la végétation qu'il y a au-dessus de la grotte. Et quand on a des hivers comme cet hiver qui est plutôt doux, eh ben on a, le CO2 arrive beaucoup plus tôt parce que la végétation ne s'endort pas, on va dire. Elle est toujours active. Voilà. Là, je suis un peu craintive par rapport à la mission du mois de mars, mais on va voir. Donc ça, c'est une contrainte. L'autre contrainte, bien sûr, c'est la contrainte de la conservation. L'étude ne doit pas abîmer le sujet de l'étude. Vous ne pouvez rien toucher, rien déplacer. On ne touche à rien, on ne déplace rien. On est sur nos passerelles. Quand les sols sont indurés par la calcite, on protège et on peut marcher en chaussettes ou en chaussons de plongée. Et on fait tout à distance. Mais ça, c'est pour tout l'art paléolithique. On a toujours travaillé à distance depuis les années, on va dire, 70. Ça veut dire qu'on travaille depuis toujours sur des documents photographiques. Et on est passé de la photographie argentique à la photographie numérique et de la photographie numérique à la 3D, donc à la photogrammétrie. Donc, on adapte nos outils et on essaie de chercher, on est toujours en train de chercher des outils les plus adaptés à ce que l'on veut essayer d'atteindre. C'est pour ça que je dis souvent, un chercheur est également un ingénieur, puisque si on veut faire progresser la recherche, il faut être informé des outils et de la technologie qui peut nous faire avancer. Donc en plus, moi je suis une geek, donc la 3D est là, on monte des plateformes collaboratives pour avoir des supports de travail identiques, qu'on travaille des sols aux parois ou sur les plafonds ou n'importe quoi. C'est-à-dire que ces plateformes collaboratives, c'est les mêmes supports, on les adapte à la recherche, mais ça veut dire qu'après, on peut les croiser beaucoup plus facilement pour intégrer l'information et avoir une vision globale de cette information. Et on en discute collégialement sur les interprétations. Donc ça, c'est ce que permet aujourd'hui l'évolution de l'informatique. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir et on va se lancer dedans sur l'intelligence artificielle. Là, il va falloir qu'on prenne des contacts à Toulouse, entre autres, puisque Toulouse est un grand centre d'intelligence artificielle pour pouvoir travailler justement et voir ce qu'on peut développer avec. Et donc, ces nouveaux outils, là, ce que vous parlez, c'est cette manière de reconstruire en 3D cette grotte. Qu'est-ce que ça permet de voir plus finement qu'en réalité? Est-ce qu'il y a des nouvelles traces que vous pouvez voir apparaître? Comment ça se passe? Alors déjà, ça nous aide, puisque déjà, on ne peut pas atteindre certaines parois. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on travaille sur base photographique. Mais là, carrément, on a la grotte dans notre ordinateur aujourd'hui. Alors, il faut toujours aller vérifier sur site ce qui se passe, puisque la photogrammétrie, ce n'est qu'une photo. Et une prise de vue photo, c'est intenté avec un éclairage spécial, avec quelque chose. Donc, on a la réalité sans que ce soit réellement la réalité. Donc, on travaille déjà sur la 3D, sur les parois. Et surtout, grâce au modèle numérique de terrain, grâce au fait qu'on puisse les éclairer différemment, etc., on étudie les sols et les empreintes au sol, que ce soit les empreintes humaines ou les empreintes de canidés ou les empreintes d'ours. Que vous ne pouvez pas forcément voir à l'œil nu. Qu'on ne voit pas parce qu'il y en a qui sont très loin, à plus de 10 mètres des passerelles, et sur des sols sur lesquels on ne peut pas marcher parce que ce sont des sols meubles. Donc c'est vrai que tous ces techniques, en fait, nous apportent énormément et on découvre énormément de choses depuis 2-3 ans, puisque on a mis au point tout ça. Alors ça demande du temps, parce que mettre la grotte en photogrammétrie, c'est vraiment très important. Alors on a Antoine Laurent qui fait une thèse à l'IRIT, là, et puis Thomas Sagori qui travaille uniquement à ça, à la photogrammétrie de la grotte et à la production des nuages de points, des orthophotos, etc. Et tout ça en collaboration avec tous les membres de l'équipe pour savoir, moi j'ai besoin de ça et toi tu as besoin de toi et comment on fait pour avoir ça, voilà. Et on essaie de se former. Moi je ne suis pas informaticienne 3D, je ne le serai jamais, ce n'est pas ma compétence. Donc dans cette équipe, on a intégré des compétences autres que des préhistoriens, archéologues, pour travailler avec nous. Et puis voilà, faire appel au savoir-faire, c'est toujours comme ça que l'équipe grandit. Exactement. Tout à fait. Mais je me demandais pour certaines choses un peu plus basiques, si je peux me permettre. Par exemple, pour savoir quelles techniques, avec quels matériaux ont été faits ces peintures, est-ce que vous avez eu besoin de prélever sur la paroi ou pas du tout ? Alors, on fait de l'analyse des matériaux, de l'analyse X, hein, fluo X portative, quand c'est possible. Et aujourd'hui, en fait, moi, je suis en dehors pour les datations, parce qu'on n'a pas d'autres moyens, mais pour l'analyse des matériaux, aujourd'hui, il y a énormément d'instrumentations qui nous permettent de ne pas prélever et d'aller très loin dans l'analyse. Ça, moi, je fais avec un laboratoire qui s'appelle le LAMS, qui est à Paris, à Jussieu, que dirige Philippe Walter. Et on a fait de l'analyse, bien sûr, des matériaux pour les pigments rouges, entre autres. Là, le noir, on va essayer de pousser. Bon, on sait que c'est du charbon de bois, mais on voudrait savoir s'il n'y a pas d'autre chose que du charbon de bois. Donc, on va faire de l'analyse X, on va faire... on travaille aussi sur l'imagerie. Donc on a plein d'éléments, d'instrumentation, et surtout toujours avoir en tête la conservation. Voilà, ça c'est très important. Si on doit prélever, d'abord c'est pourquoi on veut ce type d'analyse. Voilà, qu'est-ce que ça va nous apporter par rapport à ce qu'on sait déjà, et ça c'est des questions qu'il faut se poser continuellement. Tous les ans, vous partez en mission. C'est 3 semaines, 4 semaines par an, c'est ça à peu près ? C'est 4 semaines maintenant à cause du CO2 et donc on va partir là tout début mars jusqu'au début du mois d'avril. Voilà. Et donc c'était une de mes questions pour conclure. Pour cette nouvelle mission, sur quoi est-ce que vous allez vous focaliser ? Là vous parliez déjà un petit peu d'intelligence artificielle. Sur quoi est-ce que vous allez diriger cette mission ? Parce que j'imagine qu'il faut être carré et efficace avec ce temps assez limité sur place. Oui, il faut être carré et efficace. On a déjà eu des réunions de préparation. Ça se fait aussi comme ça, en extérieur. D'autant plus que maintenant, avec la 3D, on peut vraiment bien préparer ce qu'on va faire dans la grotte. Alors, l'intelligence artificielle, ce sera plutôt pour l'année prochaine, puisqu'il faut mettre en place les contacts et savoir où on veut aller. Parce que c'est vaste, l'intelligence artificielle. Oui. Donc, voir les problématiques que l'on peut essayer de développer avec ces outils-là. Cette année, on va continuer ce qu'on appelle les relevés, c'est-à-dire étudier les dessins dans la salle du fond et dans la salle du crâne. On a fini, en novembre dernier, un ouvrage sur les premières salles, donc qui sera publié en 2024 pour les 30 ans de la découverte de la grotte. Donc là, nous, on travaille beaucoup dans la seconde partie de la cavité, où il y a le plus de CO2 en plus. Donc, voilà. Donc les contraintes, et on regarde, j'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir, et j'aimerais bien que les températures rebaissent en Ardèche. Voilà. Et cette année, on va commencer le développement en fait, d'un programme de paléoacoustique avec l'université de Stanford et l'INRIA à Lyon. On va commencer à faire les premières mesures de son dans la grotte actuelle. Et l'idée, à moyen terme, hein, parce que ça va prendre quelques années, c'est de modéliser le son dans la grotte Chauvet telle qu'elle était, qu'on imagine qu'elle était il y a moins 36 000 ans, pour comprendre justement comment, quand on se parle, comment, jusqu'où on entend quand on est dans une salle particulière, le bruit du feu, peut-être le bruit des ours, et surtout, est-ce qu'il y a un lien entre le son et les dessins, c'est-à-dire la sonorité des espaces symboliques, comment ça interagit avec la présence de l'homme. C'est fou, vous remettez vraiment du vivant dans cette grotte, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire qu'il faut... Moi, je suis là pour étudier l'humain, en fait. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est l'humain, c'est son comportement en cavité, pourquoi il venait là. Nous, on a 2000 ans de culture chrétienne derrière nous. Pour nous, les grottes, c'est le diable. Hein. Or, pour ces gens-là, les grottes, c'est la vie, puisque ce sont leurs mythes. Donc, ils sont allés au fond de ces grottes. Il ne faut pas oublier que si la torche s'éteint, ils ne ressortent pas de la grotte. Voilà. C'est-à-dire que nos contraintes à nous, elles font rire à côté de leurs contraintes à eux. Eh bien, merci beaucoup, Carole Fritz, d'avoir partagé avec nous les merveilles animalières, mais pas que, des peintures de la grotte Chauvet-Pont d'Arc. On vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle saison d'exploration avec, je l'espère, plein de nouvelles découvertes. On finit, comme d'habitude, par quelques conseils lecture. J'aimerais, pour finir cette émission, vous conseiller un film documentaire et deux ouvrages. Je vous recommande le documentaire « Voyage dans la nuit des temps » réalisé par Anne-Sophie Martin pour le magazine 13h15 le dimanche, diffusé sur France 2. Dans ce film de 45 minutes, les journalistes retracent l'aventure de la grotte Chauvet, sa redécouverte en 1994, ainsi que les premiers tâtonnements scientifiques et les premières missions menées par les équipes d'archéologues. Puis, plus proche de nous, les journalistes suivent les chercheurs le temps d'une saison de fouilles. On y découvre des images tournées de manière inédite, par vous d'ailleurs, dans les entrailles de cette grotte quasi inaccessible, mais aussi les installations pour que les chercheurs travaillent sans endommager le site. On y voit les passerelles, les ballons lumineux, les déplacements parfois compliqués, hein, à quatre pattes, pour ne pas frotter contre aucune paroi. On y observe aussi le travail de 3D, de photogrammétrie, de nouveaux outils qui permettent de voir certains recoins de la grotte d'un œil neuf. Une plongée passionnante dans le quotidien de l'équipe qui permet de voir la recherche en train de se faire dans un lieu unique. Le documentaire est visible en replay sur le site de France TV Info. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'émission. Je ne peux ensuite que vous recommander un ouvrage de référence paru en 2017 aux éditions Citadel et Masno et dirigé par Carole Fritz, ici présente notre invitée. Le livre collectif « L'art de la préhistoire » est un bel objet de 586 pages qui pèse près de 4 kilos. Très richement illustré de nombreuses photos couleurs et adjoint d'un texte qui reste accessible aux non-spécialistes, le livre vous fait voyager à la découverte de peintures rupestres et de sculptures trouvées aux quatre coins du globe, de l'Europe à l'Australie en passant par l'Amérique du Sud. C'est un incontournable pour avoir une vision globale des dernières découvertes en la matière. Enfin, et pour conclure, j'aimerais vous présenter l'album documentaire Jeunesse intitulé « À la découverte de la grotte Chauvet-Pont d'Arc », écrit par Sébastien Gaillet et illustré par Julien Billaudeau, paru aux éditions Actes Sud Junior. Cet ouvrage de 53 pages présente la grotte Chauvet-Pont d'Arc en commençant par l'histoire de sa formation et son emplacement géographique près de l'Arche qui lui a donné son nom et qui dépasse la hauteur de l'Arc de Triomphe. Le texte très bien dosé distille de nombreuses informations très bien détaillées, le nombre d'animaux recensés dans la grotte, les différents types de peintures et les spécificités uniques de ce lieu, tout à fait hors du commun. Y sont aussi abordées les origines des humains qui vivaient là, les techniques d'analyse des peintures, mais aussi la vie au paléolithique, ainsi qu'une frise temporelle bien pratique pour essayer de s'y repérer à la toute fin de l'ouvrage. Le livre s'achève sur un glossaire qui compile et explique simplement quelques termes techniques avec justesse. Les illustrations, fouillées de Julien Billaudeau, aux couleurs vives, apportent une fraîcheur et un dynamisme remarquables. Pour moi, c'est un coup de cœur. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse, à la technique, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières, et d'ici là, gardez la pêche.